Aujourd'hui j'ai eu la veille, ça me fait pas mal d'oreille. Ce soir je vais aller en boîte avec ma superbe cravate. Vous dansez bien, mademoiselle. Maintenant j'ai mal aux orteils et j'entends plus que d'une oreille.